c'est Morsaï. Le son du Terre-Terre 2. Et bientôt baisse les skins. Mon album nique le Front National, nique tous les racistes. Pécane de crosse levée, nique tous ces patards gantés. Nous on est tous cramés, des têtes tous balafrées, des têtes tous balafrées. Charmante demoiselle, viens me la je suis toujours déterminé, je viens toujours rapper. Le rap petit va te faire enculer. C'est pas du blasphère, mais de la merde d'enfer. Oh, t'as les yeux dans la merde et moi j'ai la tuque dans mes poches, pas de tu connais la plaque, c'est celle des poils ah. Armé jusqu'au temps, sur un coup de tête on braque. Trop sac de pilon, le 7-7 en mission. Du ROR au bâtiment, ça pue grave le poison. Locataire du Détroit, je laisse montrer du doigt. C'est la qualité qu'on te fit, certains voir si tu crois pas. Dans le fer, on tire des balles, on dit que les stars du crabe en rafale. J'arrive gonflé à bloc comme un moteur de Vélus. Nini sera parti, va prendre la France, on part tous. J'en place une amorçaille à la famille et les cousses. Arrête de faire le fou parce que je sais que t'as pas de couilles. Tu vas transpirer par le cul si tu me prends trop pour un con. Tu crois que je flippe de ton crew, mais t'es fou, j'ai trop l'écran. Ton vieux fils rouge le crame et je te pisse sur le crâne. L'intru, je l'enflamme comme les fesses de ta femme. 7-5 panas pour être précis, le 17. Des pilons crachat sur le bitume, rien que ça pue 7. Consultation des textes, tout check sur le Blackberry. T'attaches pas à moi, c'est temporaire, m'appelle ma chérie. Compte pas sur les salopes pour t'envoyer des mandats. Chez nous, on apprend au keuf à danser la salsa. LFG, boy, testé, c'est de la déconne. Tu perds ton temps avec ta grosse conne. Pas la grave avec ses grosses sommes. 7-5, balance la sauce, viens poser avec mes deux sauces. 17 bis initialement. Te baisse, t'en fais sur scène. J'arrive avec mon 17 bis. Et pas du rap pour nous les petites bises. XV2 c'est le checker. 75 c'est le départ. Trop de potos sous l'emprise de la Cronenbourg. Je viens faire taire les Babylones qu'incarcèrent mes frères, qui les foutent en prison. Je brise le système racial dans mon état. Demande à l'état qui me débloque leurs sources. Certifié sur le terre-terre, c'est pour Morsaï. Criant de la galère, je suis tout seul dans ma galère. J'ai dû prendre le MC pour tous les MC qui lèvent le bras en l'air. Ce sens c'est pas pour les branleurs, c'est Zazer. Certifié sur le terre-terre. 92-130, né avec les crocs. Et assurant sur Speedgate, rêvant d'une peur au compte à Bill Gates. Et sur le terrain, toujours à Bill Gates. Fougueur de haram, street. Mais avec des lyrics fantastiques. Paris paix, espoir qui s'insère, fait le contraire. Digne d'un bulldozer, j'évite de me faire serre. Quand je prends le micro, je reste performant. Si t'as peur, va ailleurs. Quitte le hall, suis le scénario. On est là, on est là, on les baise. Et les mecs qui niquent une autre chaise, c'est sous 93. Et j'apporte le son de la thèse qui pèse dans toutes les caisses. Mettez-vous à l'aise quand escroc au micro roule les mots négro. Je représente le 3-9-0. Je kick le beat pour que les gens bougent la tête dans la street. Qui veut nos zics comme d'hab, esquive les flics. J'accélère, je ralentis, vous ne savez plus quoi faire. Boutique est sur le mic subtil, il faut trop la de merde. So 93, clichés vont fermer, yeah. Y'a les deux sur le beat, tu me pries à charger dans la cachette. Alors achète tout par toi. J'écris des textes chaque soir. Arrête des boycottages de bâtards. Ça roule des sbires de bon spa. Quoi qu'ils disent, on fait du bison, mais t'es pas. rap high. On cache le cannabis derrière les compteurs canalistes. 2009 ça parle mal, c'est nique, nique sa maman. C'est pas des pique-niques dans les champs. Sur ce 11 avec truand de la galère, vient monter la pression. D'où je viens c'est le bon son, on veut tous la one position. Illicite transaction, on se jette tous dans la baston. 2009 ça pète les plombs, je connais plus de fer qui partent au charbon. Compose situation, c'est dur comme un clan d'eau. En irrégulière situation, c'est chacun ses coutumes, ses religions. Dans mon cartel on emmerde le FN, ceux qui votent les Jean-Marie Le Pen. We'll be right back.